L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce samedi 28 mars à 14h30, le Festival international du film de Nancy propose aux familles une séance gratuite de court-métrage. Ce sera au Pôle Image, au 9 rue Michel-Ney à Nancy. Blandine Glamseski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Ayaï VO. La fête du court-métrage, c'est partout en France, hein, du 25 au 31 mars. Et bien sûr, c'est tout naturel que vous y participez. Oui, tout à fait, parce que dans le cadre de notre action tout au long de l'année festival, on propose effectivement beaucoup de courts-métrages, aussi des longs-métrages, mais beaucoup de courts-métrages. Il y a plein de choses à dire autour de votre association, mais là on va se concentrer notamment sur cet événement samedi prochain. Il y a 3 films qui ont été sélectionnés avec un thème, celui du bien-être et de la confiance en soi. Alors pourquoi ce thème? Est-ce que c'est le thème national ou c'est vous qui l'avez sélectionné? C'est pas le thème national, mais il y avait plusieurs thèmes proposés par l'association qui a organisé cette fête du court-métrage qui existe depuis 2015. Donc nous, on a choisi parmi les propositions qu'ils faisaient cette sélection parce que parmi ces 3 films, il y en a 2 qu'on a déjà diffusés dans le cadre du festival scolaire et dans le cadre du Festival international du film de Nancy, qu'on connaît bien et qui correspond bien à cette thématique. Voilà, on peut peut-être en parler de ces 3 courts-métrages. Alors le premier que je peux citer, c'est « Maman pleut des cordes » de Hugo de Faucompret, c'est ça ? Tout à fait, oui. Il y a aussi « La petite casserole d'Anatole » de Éric Monchaud et « Détresse » de Leïla Macaire. Quand on parle de court-métrage, si on devait expliquer, on a Anouk qui est en studio avec nous, qui est en stage 4e, peut-être ne connaît-elle pas trop ce principe de court-métrage. Comment on définirait ça ? Oui, donc la définition d'un court-métrage, c'est un film qui fait moins d'une heure. Donc 59 minutes maximum, c'est lié à la longueur de la bobine qui faisait 1600 mètres maximum. Et donc ça, c'était une durée de 59 minutes maximum. Voilà, c'est du temps qu'il y avait encore des bobines voilà. Où c'était pas encore trop numérique tout ça. Voilà. Comment vous les avez sélectionnés? Vous avez dit qu'il y en avait eu 2 déjà qui avaient été projetés? Oui, en fait, c'est une programmation que proposée, et comme nous, on connaît bien cette programmation, on a voulu la remontrer. Donc, il y a 2 films d'animation dans cette séance et un film de fiction avec des acteurs. Donc, ça fait 20 ans que votre association travaille sur ces thématiques-là, sur l'éducation à l'image. Tout à fait. L'association a 30 ans, donc il y a le Festival international qui a plus de 30 ans. Et effectivement, tout ce qui est action auprès du jeune public, ça fait 20 ans. Concrètement, ça se passe comment, cet accompagnement? Vous allez dans les écoles, vous allez à la rencontre des enfants, des jeunes? Pendant l'année, il nous arrive de faire des ateliers dans les écoles. Et il y a aussi un festival à destination des scolaires qui, lui, a lieu à Nancy fin novembre, début décembre. Et puis, on va aussi en milieu rural à Vézelise. Et cette année, ce sera donc la première semaine d'avril. On va y revenir justement tout de suite après. Donc là, pour cet événement de samedi prochain, il y a la projection, mais il y a aussi un échange avec le public. Oui, il y aura certainement un échange, effectivement. Donc la séance a lieu à 14h30. Elle est d'une durée d'une heure environ. Pour Maman pleut des cordes, ça dure 30 minutes, oui, si je dis pas de bêtises. Pour La petite casserole d'Anatole, c'est 6 minutes, donc ouais, c'est très court métrage pour le coup, et 17 minutes pour Détresse, c'est ça? Tout à fait. Et donc c'est une sélection qui est plutôt destinée aux 7-10 ans. Bon, un enfant de 6 ans va aussi, et puis plus âgé aussi, c'est possible. Mais c'est une programmation dédiée surtout aux 7-10 ans. Et il faut réserver pour assister à cette projection? Non, alors cette projection, il n'y a pas besoin de réserver et c'est une séance gratuite. On rappelle, c'est au Pôle Image, au 9 rue Michel-Ney à Nancy, donc c'est juste à côté de la médiathèque, hein, c'est ça? Tout à fait, on rentre dans la cour de la manufacture près de la médiathèque pour ces projections. C'est un lieu que vous connaissez bien avec le Festival international du film de Nancy? Oui, et puis nous-mêmes, nos locaux sont dans ce même bâtiment. En plus. Voilà. Voilà, vous êtes à domicile. Tout à fait. Une question, quand vous faites des projections comme ça, les réactions du public, et particulièrement du jeune public, quel est-il? Les retours des enfants ne vont pas être les mêmes dans le cadre scolaire et dans le cadre familial. Dans le cadre scolaire, on a l'habitude d'en faire beaucoup et ils sont assez bluffants, certains enfants. Oui. Ils comprennent des choses et ils voient rapidement certaines choses. Les adolescents, c'est plus difficile parce qu'ils n'osent pas parfois, vis-à-vis de leurs camarades, prendre la parole ou dire n'importe quoi. C'est vrai qu'une fois, on a eu un enfant qui avait un certain handicap et qui avait tout compris du film. C'était assez extraordinaire. Et souvent, les enseignants sont surpris de la prise de parole de certains élèves qui n'osent pas forcément prendre la parole en classe et qui, là, vont prendre la parole, voilà. Voilà, donc une expérience à vivre avec vos enfants et surtout pour les enfants. Ça peut être dès ce samedi à 14h30 au Pôle Image avec cette projection de 3 courts-métrages. D'autres projections, là on parle plutôt du festival de la petite école du film court qui a commencé en septembre novembre-décembre à Nancy. Voilà. Avec donc des écoles de Nancy et de la métropole du Grand Nancy. Voilà. Et là, vous avez évoqué cette semaine à Vézelise. Voilà, on fait toujours des projections depuis le début de ce festival, à Vézelise également, en milieu rural. Donc la semaine du 7 avril, juste après lundi de Pâques, il y aura des projections destinées aux écoles de Vézelise, écoles maternelles et écoles élémentaires. Et il y aura une projection publique. Et il y a tout à fait une projection publique le vendredi 10, il me semble que c'est à 20h. On retrouve tout ça, bien sûr, si on vous suit sur les réseaux, sur le site internet peut-être de l'association. Mmh. Et pour l'association, un autre gros temps fort, on peut le dire quand même, c'est quand même le Festival international du film de Nancy. Ça se passera au mois de juin. On peut en dire deux, trois mots vite fait ? Oui, le Festival international du film de Nancy, qui est lui dédié à tout public, aussi bien jeune public que public adulte. Il y a beaucoup de courts-métrages, mais il y a aussi quelques longs-métrages, documentaires et films de fiction. Cette année, on met la République tchèque à l'honneur, en plus de notre programmation international et généraliste. Et le festival aura lieu du 26 juin au 5 juillet sur le site de la Manufacture. On aura une séance délocalisée principale à la médiathèque de Vendeuvre-les-Nancy juste avant, dédiée au jeune public. On retrouve depuis l'année dernière nos séances en plein air et puis des séances en salle. Voilà, voilà, on aura l'occasion d'en reparler certainement sur Fadjet. Merci beaucoup Blandine Glamczewski. Peut-être, je vous laisse le dernier mot pour donner envie aux plus jeunes auditeurs de venir ce samedi 28 mars. On le rappelle, c'est à 14h30 au Polymage à Nancy. Oui, venez découvrir ces films différents, ils sont très beaux à voir et les histoires sont très bien menées. Les deux films qu'on avait passés en séance scolaire, le public qui était là a beaucoup aimé ces films. Ça vaut le coup de venir les voir pour ceux qui ne les ont pas vus ou de les revoir pour ceux qui les ont déjà vus. Et en plus, c'est gratuit, on le rappelle. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.